Chapitre 23. À minuit, Gunnarsson prévint Ami que la voie était libre. Chico dormait. Les villageois qui le veillaient avaient finalement décidé d'en faire autant. Le Suédois, désireux de se racheter ou pressé de la voir s'en aller, avait préparé une musette bourrée de nourriture et d'objets de première nécessité. « Rejoignez vos compagnons, murmura-t-il, ils sont armés. Chico et ses amis n'oseront pas se frotter à eux. C'est la seule porte de sortie dont vous disposez. Ne revenez jamais ici et évitez de fréquenter Coolidge. C'est un homme en sursis qui finira tôt ou tard assassiné. Vous subirez le même sort si vous vous attardez en sa compagnie. » Ami le remercia et, s'éloignant rapidement de la case, s'enfonça dans les buissons. Les cris des animaux s'amplifiant avec la venue de l'obscurité, la jungle était encore plus impressionnante qu'en plein jour. Par chance, la lune brillait, illuminant les flancs du volcan de sa lueur bleuâtre. La jeune femme marcha dans cette direction. Elle n'eut pas trop de mal à localiser le chemin qui serpentait entre les épineux. Quand elle atteignit le campement de Devereaux, elle était à bout de souffle. Sharon dormait dans un hamac, non loin d'autres enfants inconnus d'amis. Du fond de la caverne, montaient les ronflements de l'universitaire, drapé dans sa couverture en lambeaux, comme dans une toge de sénateur. La jeune femme posa sa main sur la bouche de la fillette pour lui éviter de pousser un cri de surprise en s'éveillant. Quand Sharon eut ouvert les yeux, Ami lui fit signe de la suivre à l'extérieur. Elles s'éloignèrent pour s'asseoir au milieu des maisonnettes de la Pompéi inachevée. Là, Ami entreprit de résumer à l'intention de l'enfant les événements des derniers jours. « Je retourne au sous-marin, » conclut-elle. « Il vaudrait mieux que tu m'accompagnes. Ces gens vont sans doute se venger sur toi. On ne peut pas leur faire confiance. » « D'accord, » fit Sharon. « De toute façon, je commençais à m'ennuyer. Je reviens. Attends-moi. » Retournant sur ses pas, elle se faufila dans la grotte pour voler une montagne de gâteaux de miel ainsi qu'une cruche de bière. Nantie soviétique, elle emboîta le pas à la jeune femme sans plus se poser de questions. Ami prit vite conscience qu'il leur était impossible de traverser la jungle en pleine nuit. Comment avait-elle pu un seul instant s'en croire capable? Dès qu'on s'engageait sous la canopée, la forêt se changeait en un labyrinthe de ténèbres où il aurait été vain d'espérer trouver son chemin. Les cris des bêtes atteignaient des stridences insupportables. On devinait que des centaines de chasseurs et de victimes s'entrecroisaient dans l'obscurité, invisibles, tout à la fois terrifiés et hostiles, prêts à vendre chèrement leur pauvre vie. « On est perdu, » s'inquiéta Sharon. « Pas encore, mais ça ne va pas tarder si on continue comme ça, » soupira Ami. « Mieux vaut s'arrêter et attendre le lever du jour. On ne peut pas allumer de feu, les bûcherons le repéreraient de loin. On va se serrer l'une contre l'autre. Tu n'as qu'à dormir, je monterai la garde. » Elles s'installèrent au sommet d'une éminence rocheuse. Une trouée dans la canopée permettait à la lune d'éclairer une portion de la jungle de la largeur d'un petit square. Des arbres effondrés pourrissaient là, dévorés par les champignons et les mille minuscules prédateurs de la forêt. Ami craignait par-dessus tout de marcher sur un serpent. Gunnarsson ne l'avait-il pas averti que les bois en étaient infestés? Elle fouilla dans sa musette à la recherche du couteau et du briquet que le Suédois y avait glissé. Elle actionna la molette, faisant jaillir une courte flamme qui lui permit d'inspecter les lieux. Il y avait beaucoup d'insectes qu'elle chassa à l'aide d'un balai de feuillage. Sharon essayait de se montrer brave. La forêt anglaise ne lui faisait pas peur. Elle y avait survécu en solitaire des mois durant. Mais cela, ce labyrinthe de pourriture bourgeonnante, de bestioles, c'était autre chose. On ne pouvait soulever un caillou sans déranger une araignée grosse comme la main ou un reptile venimeux. À Ashdown, elle n'avait côtoyé que des renards et des lapins. Elles s'assirent au sommet du tertre. C'était inconfortable, mais au moins on avait l'illusion de dominer le terrain. « Nous verrons l'ennemi approcher de loin, » se dit Ami pour se rassurer. Si la fillette dormit par à-coups, la jeune femme, elle, resta aux aguets. À force de scruter l'obscurité, il lui semblait voir s'y dessiner des formes fantastiques et terrifiantes. La présence inhabituelle des fuyards dans ce lieu irrita les singes qui, pour les contraindre à lever le camp, leur urinèrent sur la tête. Régulièrement, Ami devait racler ses vêtements avec la lame du couteau pour en chasser les insectes qui s'obstinaient à les escalader. Enfin, l'aube pointa dans les déchirures du feuillage. Ami secoua l'enfant. Il fallait se mettre en route. Dans peu de temps, les bûcherons allaient découvrir leur fuite. « Ils connaissent la jungle comme leur poche, » pensa-t-elle. « S'ils se lancent à notre poursuite, ils n'auront aucun mal à nous rattraper. » « On va se diriger vers la plage, » expliqua-t-elle à la petite fille. « C'est facile à situer, le terrain est en pente. Il n'y a qu'à descendre pour se rapprocher de la mer. Je suis au moins sûre de ça. » Elle marchait depuis une heure quand plusieurs détonations les firent sursauter. « Des coups de canon, » songea Ami. « Ça vient du sous-marin. Ils se battent. Nous allons tomber en pleine bataille. Quel manque de chance !» La canonnade fut brève. Il sembla aux fugitifs que le vent leur apportait l'écho des cris lointains, mais cela demeura confus, difficile à situer. Les hurlements exprimaient-ils la souffrance, la colère ou la joie? Ami n'aurait su le dire. Harassées et en sueur, elles émergèrent enfin de la jungle à 30 mètres du rivage. Leur premier réflexe fut de chercher parmi les épaves la silhouette du U-boat. « Il n'est plus là, » constata Sharon. « Nous ne sommes peut-être pas au bon endroit, » suggéra Ami. « Cherchons plus loin. »« Non, c'est bien ici, » trépigna la fillette. « Je reconnais ces deux bateaux-là. Le sous-marin était coincé entre eux. »« Les Allemands sont partis. Ils ont fichu le camp. Et Siegfried les a accompagnés. Il nous a abandonnés, le vieux saligo. » Elle a raison, » fit la voix de Coolidge dans leur dos. « Ils ont levé l'ancre à l'aube. » pour contourner la pointe et aller attaquer le camp des mécaniciens. L'Anglais avait jailli d'entre les cocotiers, affublé de son éternelle tenue de golfeur. Cette fois, il portait une paire de jumelles autour du cou et un étui à revolver à la taille. « Que s'est-il passé ? » interrogea Ami. « Nous avons entendu des coups de canon. »« Oui, » confirma Coolidge en haussant les épaules. « Ils ont tiré quelques obus, c'est vrai. » Je n'ai pas suivi l'évolution du différend, mais il me semble qu'un conflit est éclaté entre vos amis et les mécanos. L'affaire n'a pas tourné comme il l'espérait. Le capitaine a fait une fausse manœuvre et le navire s'est retrouvé aspiré par le courant. En ce moment même, il s'éloigne de l'île en direction du pôle sud. « Ce n'est pas possible, » haleta Ami. Hélas, si, très cher, j'ai observé l'assaut avec ses jumelles. « Si vous grimpez sur ce rocher, vous verrez le sous-marin, il s'éloigne. D'ici une heure, il ne sera plus qu'un point à l'horizon. » Ami lui arracha les jumelles et courut vers le promontoire rocheux. Il lui fallut un moment pour repérer la tache grise du U-boat. Il était déjà trop loin pour qu'il fût possible d'identifier les visages des hommes s'agitant sur le pont. « Siegfried est probablement parmi eux, » songea-t-elle avec amertume. « Je me demande ce qu'il fera sa foutue couronne lorsqu'il débarquera chez les pingouins. Peut-être se proclamera-t-il roi du pôle sud ?» À bout de nerfs, elle se savait sur le point de fondre en larmes. Aussi se donna-t-elle le temps de recouvrer son sang-froid en feignant d'observer la mer plus longtemps qu'il n'était nécessaire. Quand elle rejoignit Coolidge et Sharon, elle affichait une parfaite maîtrise d'elle-même. « Vous avez vu ?» triompha l'Anglais. « Je suis désolée, mais à mon avis, ils ne sont pas prêts de revenir. » Le courant va les entraîner à l'autre bout de la terre. Une fois pris dans les glaces, ils ne mettront pas longtemps à mourir gelés. « Le vieil homme, » coupa Ami, « celui qui m'accompagnait, était-il avec eux ?»« Je n'en ai aucune idée. C'est le bruit de leur moteur qui m'a réveillée. Le temps que j'arrive ici, ils longeaient déjà la côte. » Une manœuvre hasardeuse. Je n'ai vu que le capitaine debout dans le kiosque et les servants du canon sur le pont. Je me suis dit qu'ils allaient commettre une grosse bêtise. Moi, à leur place... Ami ne l'écoutait plus. Elle analysait leur situation présente et ne la jugeait guère brillante. Siegfried et les Allemands partis, elle ne bénéficiait plus d'aucune protection, si ce n'est celle de Coolidge. Comme s'il avait lu dans ses pensées, l'Anglais déclara avec empressement « Je serai heureux de vous héberger dans mon bungalow, vous et l'enfant. Je dispose de plusieurs chambres et mes domestiques ne sont pas trop mauvais cuisiniers. Qu'en pensez-vous ? Cela vous donnerait le temps de vous retourner. Vous n'envisagez tout de même pas de vous installer seul au milieu de la jungle, si ?» En dépit de la répulsion que lui inspirait Coolidge, Amy se vit forcée d'accepter l'offre. Elle ne voyait pas ce qu'elle aurait pu faire d'autre. Son savoir en matière de survie tropicale était trop sommaire pour lui permettre d'envisager une implantation au cœur de la forêt. Elle s'imaginait mal en train de construire un bungalow avec la seule aide de Sharon. Comment aurait-elle déplacé et assemblé les troncs? Non, c'était impossible. Quant à vivre recroquevillée sous une hutte indienne, grelottant de froid chaque fois qu'une averse tremperait leurs vêtements, elle ne voulait même pas y penser. Elles s'emménagèrent donc chez Coolidge, qui s'empressa de leur faire visiter les lieux. On ne pouvait pas l'accuser d'avoir fait preuve de vantardise. Le bungalow comptait 6 pièces. Il avait été embelli au moyen de meubles, de boiseries, de tableaux récupérés sur son yacht. Si bien qu'on finissait par oublier qu'il s'agissait, somme toute, d'une cabane améliorée. Les bibelots, les vases, les bouquets d'orchidées installaient une atmosphère douillette de cottage ou de rendez-vous de chasse. Rien ne manquait, pas même la traditionnelle théière. La fierté de Coolidge résidait dans sa salle de bain reliée à une citerne extérieure que les domestiques remplissaient à l'aide de seaux chaque fois que le maître des lieux procédait à ses ablutions. Les serviteurs, Coolidge disait les boys, étaient au nombre de 4. 2 hommes et 2 femmes à la peau sombre, au regard farouche, dont Amy ne put déterminer la nationalité. L'Anglais les obligeait à porter des uniformes chamarrés, des vestes à brandebourgs de général d'opérette, qui, avec le temps, avaient pris une teinte douteuse et perdu leur dorure. Ils s'étaient alignés pour qu'Amie les passât en revue. Ils s'inclinèrent devant elle, mais leurs visages fermés ne promettaient rien de bon. La jeune femme eut soudain l'impression de se promener dans une poudrière, une bougie allumée à la main. Elle se demandait combien de temps Coolidge accepterait de jouer les gentlemen sans réclamer la contrepartie de ses bontés. Il y aurait un loyer à payer. Elle ne se faisait aucune illusion à ce propos. Afin de retarder l'échéance, elle prétendit que Sharon souffrait de terreurs nocturnes et exigeait de coucher dans la même chambre qu'elle. Coolidge grimaça un acquiescement sans se donner la peine de masquer son irritation. La jeune femme et la fillette prirent possession d'une pièce coquettement meublée. Si Sharon s'endormit sitôt la joue sur l'oreiller, Amy, elle, resta aux aguets, le couteau sur la table de nuit à portée de main. « Cette fois, je suis dans la mélasse, » se répétait-elle. « Mais comment y remédier ?» Le lendemain, profitant d'une promenade le long de la plage, elle fit part de ses craintes à Sharon. « On pourrait aller se cacher chez les Indiens, » proposa celle-ci. Et elle s'empressa de raconter en quelle occasion elle avait fait connaissance du cacique qui régnait sur les descendants des anciens esclaves. Elle en profita également pour révéler à Amy la nature réelle de l'île. « Une mine de diamants ? Rien que ça !» s'étonna la jeune femme. « Avec des souterrains partout sous nos pieds !» Le récit de la fillette lui parut si rocambolesque qu'elle en vint à soupçonner une blague montée par les petits Brésiliens qu'hébergeait Devereaux. Sans doute avait-il voulu s'amuser aux dépens de Sharon. « Je ne sais pas, » bredouilla-t-elle pour gagner du temps. « Tu crois que ces Indiens nous accueilleraient à bras ouverts ?» La fillette fit la moue. « Aucune idée, avoua-t-elle. Quand nous leur avons rendu visite, ils se sont montrés impolis. Leur chef nous a tourné le dos pour nous signifier de partir. Ça m'a choqué. » En dépit de ce qu'elle avait vécu, Sharon avait conservé des réactions de jeune lady qui émerveillaient toujours Amy. Alors qu'elles observaient l'horizon, les pieds dans l'eau, elles virent Collie jaillir d'entre les arbres pour courir à leur rencontre. « Venez, venez » criait-il. « Vos amis les bûcherons ont enfin terminé leur fichu phare. Ils s'apprêtent à l'inaugurer. Vous ne devez pas manquer ça. Je me demande dans combien de temps leur fameuse tour va s'écrouler. Jusqu'à présent, aucune de leurs pyramides de rondins n'a survécu plus de 3 jours. Je doute qu'ils fassent mieux ce coup-ci. » Il fit de nouveau entendre son insupportable petit gloussement. Pour son plus grand malheur, il appartenait à ces gens que la joie enlaidit et dont le rire évoque l'aboiement d'un chien de salon à qui l'on vient de marcher sur la queue. Dissimulant son aversion, Amy s'empara des jumelles qui lui tendaient. Elle se hissa au sommet d'un entassement rocheux pour jouir d'une vue d'ensemble de la vallée. La tour se dressait au milieu de la végétation, dominant la canopée d'une 20aine de mètres. Elle oscillait sous l'assaut des bourrasques. « Est-elle souple ou fragile ?» se demanda-t-elle. « Chico a-t-il réussi, encore une fois, à tromper la vigilance de Gunnarsson ? L'a-t-il saboté ?» Les charpentiers apparurent, escaladant les croisillons de rondins. Ils adressaient de grands signes à la foule massée au pied de l'échafaudage. Amy tressaillit en identifiant Chico. Il grimpait vers le sommet, tirant derrière lui une jarre d'où s'échappait une flamme jaune que le vent, malgré tous ses efforts, ne parvenait pas à souffler. « Le feu grégeois, » songea la jeune femme. « Il va l'installer à la cime du phare. » Le feu magique que rien ne peut éteindre, ni la pluie, ni les ouragans. Elle essayait de se rappeler les explications de Gunnarsson. N'avait-il pas dit quelque chose à propos d'une réaction chimique décuplée par l'adjonction d'eau? Ayant ce soir-là d'autres soucis en tête, elle n'avait pas vraiment écouté ses explications. Elle le regrettait à présent. Elle s'étonna d'éprouver un sentiment de mise à l'écart. Elle aurait voulu être là-bas, sur la tour, avec les autres, participer à la cérémonie. C'était absurde, puisque la communauté ne l'avait jamais adoptée. Néanmoins, à sa façon, elle s'était impliquée dans la construction du phare. Elle y avait contribué. Quand Chico atteignit le dernier étage, il leva la jarre au-dessus de sa tête et la renversa dans la cuve de pierre qu'on avait hissée là-haut. Cette vasque, taillée dans un bloc de pierre ponce ultra-léger, faisait office de photophore. Dès que Chico l'eut rempli de feu grégeois, des flammes s'en élevèrent, ardentes, lumineuses, défiant les bourrasques. « Une belle idiotie, » grommela Coolidge. « Tous travaillent pour rien. À la prochaine grosse averse, le feu s'éteindra. Or, comme vous avez pu vous en rendre compte, il pleut 2 fois par jour. Difficile de trouver du bois sec dans ces conditions. D'ici une semaine, ces imbéciles de bûcherons en auront assez de grimper là-haut pour regarnir le foyer. Je suis prêt à le parier. » Amy lui rendit les jumelles sans un mot. Là-bas, les flammes continuaient à grésiller, insolentes. Quand la nuit tomberait, on les verrait à 1000 milles à la ronde. « Si seulement un navire pouvait nous repérer, » souhaita Amy avec ferveur. La main de Sharon se glissa dans la sienne et l'étreignit. Lorsqu'il se mit à pleuvoir au début de l'après-midi, la jeune femme put vérifier que Gunnarsson n'avait pas déliré. L'averse, au lieu d'étouffer le feu grésillant au sommet de la tour, parut le vivifier. La couleur des flammes changea, se fit plus brillante. Ce prodige irrita Coolidge qui s'apprêtait, depuis sa véranda, à savourer l'échec des bûcherons. Quand la pluie cessa, le brasier ronflait toujours. 2 jours passèrent sans que le photophore faiblisse. Tout semblait aller pour le mieux. Quand la pâte mystérieuse alimentant le foyer s'épuisait, Gunnarsson expédiait un adolescent dans les hauteurs avec mission de remplir la vasque de pierre ponce. Alors le feu repartait de plus belle, visible de jour comme de nuit, insensible au vent comme à la pluie. Les choses se gâtèrent quand le vent commença à forcir. Cela se produisait de temps à autre. De grosses rafales giflaient l'île pendant 3 ou 4 heures, s'acharnant à arracher les feuilles des cocotiers, à scalper les toits des cabanes. Souvent, lors de ces accès de rage, on voyait les arbres se coucher par dizaines, la chute de l'un entraînant celle de ses voisins. « La tour bouge !» annonça Sharon, l'index pointé vers le phare. « Regarde ça! On dirait qu'elle va se mettre à marcher !» Il y avait du vrai dans les propos de la fillette. La tour de bambou se dandinait sur ses piliers comme si elle tentait de les arracher du sol pour s'avancer vers la plage. À travers le vent de sable soulevé par la bourrasque, elle avait quelque chose d'une impossible girafe à la tête couronnée d'une crinière de flammes. L'effet était saisissant. Amy et la fillette durent battre en retraite sous peine de se retrouver lynchés par les débris que véhiculait la tempête. La tourmente brassait du sable, de la terre, des fragments végétaux, des morceaux de coquillages aux aspérités tranchantes. Elle mêlait ses ingrédients hétéroclites en une formidable mitraille qui déferlait sur l'île, décapant les choses et les hommes avec une égale férocité. Craignant d'être éborgnée, Amy se résolut à chercher refuge à l'intérieur du bungalow. Elle rejoignit Sharon près du grand hublot que Coolidge avait récupéré sur son yacht et qui tenait lieu de fenêtre. Le verre en était si épais qu'il pouvait encaisser sans préjudice l'impact de n'importe quel projectile. La fillette, qui n'avait jamais vu un ouragan, tremblait, les dents serrées. Amy l'attira contre elle. L'anglais, enfoncé dans son rocking chair, tirait sur sa pipe avec opiniâtreté, se soutenant dans son effort à coups de petits verres de brandy. Il avait le regard fixe, le visage très rouge. « J'ai peur, » chuchota Sharon. « Les Indiens disent qu'à chaque tempête, l'île s'émiette un peu plus. Des morceaux de falaise vont tomber. Il se pourrait même que la plage où nous sommes soit emportée. » « Mais non, » murmura Amy qui n'en savait rien. « Ce sont des légendes. » Elle se surprit toutefois à scruter la rive, tremblant de voir s'y dessiner une crevasse annonciatrice d'effondrement. Le bungalow semblait prêt de s'envoler. Les cloisons craquaient, les tableaux se décrochaient, les livres tombaient des étagères. Les domestiques s'étaient retranchés dans l'office. Recroquevillés sur le sol, ils priaient. Instinctivement, le regard d'Amy se porta vers la tour. Le feu brillait toujours. Le cataclysme l'ébouriffait sans parvenir à l'éteindre. On avait la curieuse impression que la résistance du foyer exaspérait la tempête, et que cette dernière s'obstinerait à souffler tant que les flammes refuseraient de s'éteindre. Tout à coup, un craquement retentit et le phare se déforma. Sa structure, quoique conçue pour résister aux rafales, avait dépassé son seuil de résistance. Les liens tressés retenant les bambous cédaient les uns après les autres, distendus par les torsions que les bourrasques imprimaient à l'échafaudage. « elle tombe !» hurla Sharon. C'était vrai. La tour était en train de basculer en avant. Devenue soudain molle, telle une grande bête au cou brisé, elle s'affaissa au milieu de la forêt, creusant une longue tranchée dans l'épaisseur de la canopée. « Je l'avais bien dit, » ricana Coolidge. Le brandy lui avait peint 2 taches écarlates sur les pommettes. Il avait l'air d'un travesti mal démaquillé. Amy serra les paupières pour retenir ses larmes. Tous ses espoirs s'envolaient. Au cours des dernières heures, elle avait presque réussi à se convaincre qu'un bateau allait bientôt les secourir. « J'espère qu'il ne s'agissait pas d'un nouveau sabotage, » se dit-elle avec fureur. « Si je découvre que Chico est derrière tout ça, je le tue. » « Ça brûle !» s'exclama Sharon en se suspendant à sa main. « Ça brûle ! Regarde !» Amy ouvrit les yeux. La forêt était en train de s'embraser. En dépit du vent et de la pluie, les flammes couraient de branche en branche, dévorant les feuillages avec une surprenante rapidité. « Le feu grégeois » haleta-t-elle. Gunnarsson prétend qu'il s'alimente des molécules d'oxygène contenues dans l'eau. « C'est ce qui est en train de se produire. Il va dévorer tout ce qui est mouillé, La jungle tout entière va y passer. God damn, jura Coolidge. Je savais que ce vieux dingue finirait par déclencher une catastrophe. Nous sommes foutus. La jungle recouvre la totalité de l'île. Nous allons griller vifs. Je vais voir Gunnarsson, décida Amy. Vous êtes folle, hoqueta Coolidge. Vous allez vous enfoncer en plein incendie. Mieux vaut rester ici. Quand le feu atteindra la rive, il nous restera la possibilité de chercher refuge dans les épaves. Et quand les bateaux brûleront, eux aussi, siffla la jeune femme, que ferez-vous? Vous plongerez dans l'eau pour que le courant vous emporte au pôle sud? Je viens avec toi, lança Sharon. Je ne reste pas avec ce type. Ce n'est pas prudent, protesta Amy. Écoute, trancha l'enfant. Si la jungle s'embrase tout entière, il faudra se cacher sous la terre, dans les galeries de la mine espagnole. Je t'en ai parlé, rappelle-toi. Il n'y a que là que nous serons à l'abri des flammes. Dans les tunnels? Je croyais que... La jeune femme se tut. Elle avait failli dire « Je croyais qu'il s'agissait d'une invention, un truc que tu racontais pour faire ton intéressante. » Il existe un accès au pied du volcan, continua Sharon. Un boyau qui débouche dans une grotte très vaste, qui communique avec la mer. On pourra se nourrir en pêchant dans les trous d'eau, mais il faut se dépêcher d'y descendre avant que le feu nous barre le passage. Vous avez entendu, lança Amy à l'adresse de Coolidge. Est-ce que vous nous accompagnez? L'anglais refusa d'un signe de tête. Je n'ai pas envie de vivre, affublé d'une peau de bête et d'une massue, ricana-t-il sottement. Je laisse ça à Chico Palatino et à ses séides. Je ne vous retiens pas, très cher. Je vais rester ici, tranquillement, en espérant que l'incendie me laissera le temps de finir ce flacon de cognac. Quand les flammes lécheront la véranda, je prendrai une décision. Amy n'avait ni la force ni l'envie de le supplier. Elle courut dans l'entrée décrocher les cirés du porte-manteau, tendit à Sharon celui qu'on avait ajusté à sa taille et ouvrit la porte. Elle crut que le vent allait arracher le battant de ses gonds. Sans un regard en arrière, tenant la fillette par la main, elle prit la direction du volcan. Le feu progressait. Avec l'aide de la pluie, il dévorait le feuillage à une vitesse époustouflante. Par bonheur, le vent emportait la fumée au-dessus de l'océan, l'empêchant de stagner au ras du sol et d'asphyxier les humains. « C'est déjà ça, » songea Amy, qui, penchée en avant, luttait contre les trompes d'eau. Les flammes avaient une couleur irréelle, un peu verdâtre. Il s'en dégageait une odeur bizarre, un parfum pharmaceutique, comme si l'on brûlait du camphre ou de l'eucalyptus. Le ronflement du bûcher était, lui, proprement effrayant. Le capuchon du ciré rabattu sur les yeux, la jeune femme et la fillette avançaient, fouettées par les flammèches et les étincelles. Elles souffraient déjà de multiples brûlures, heureusement sans gravité. Quand elles arrivèrent au campement des bûcherons, ce fut pour constater que la moitié des baraques brûlaient déjà. Les hommes essayaient de lutter contre l'incendie en pelletant de la terre sur les flammes, sans grand résultat. Chico, en sueur, la chemise noircie, avait pris le commandement des opérations. Gunnarsson, hagard, tournait en rond sur la place du village. Le visage secoué de tiques, il nettoyait ses lunettes souillées de suie avec un chiffon sale. Amy lui posa la main sur l'épaule pour attirer son attention. Quand il la regarda enfin, elle eut l'impression qu'il ne la reconnaissait pas. « Ce n'est pas ma faute, balbutia-t-il. Je pensais bien faire. Le feu grégeois. Je sais, coupa la jeune femme. Vous ne parviendrez pas à l'éteindre. Il faut songer à mettre les gens en sécurité avant qu'il ne soit trop tard. Écoutez-moi. » Elle lui exposa ce qu'elle savait des cavernes souterraines, mais le Suédois continua à nettoyer ses lunettes en bredouillant des excuses. Elle finit par comprendre qu'elle ne réussirait pas à accrocher son attention. Il était en transe ou en état de choc. Bien qu'il lui en coûtât, elle se dirigea vers Chico. Il commença par la repousser. « Qu'est-ce que tu fiches ici ? » aboya-t-il. « Je n'ai pas le temps de te parler. Retourne donc chez ton anglais. » « Le feu va vous encercler, » lança Amy. Je suis venu par la route, je sais de quoi je parle. Le brasier est en train de vous prendre en tenaille. Vous n'en viendrez pas à bout avec quelques pelletées de terre. Que veux-tu qu'on fasse ? Haleta le Brésilien, dont les cheveux dégageaient une odeur de crin carbonisé. On ne peut pas se replier vers la plage. De toute manière, les épaves s'embraseront, elles aussi. Il faut grimper vers le volcan, expliqua Ami. Et ensuite, s'impatienta Chico. C'est vrai qu'il n'y a pas de végétation autour du cratère, mais la chaleur de la jungle en feu va monter vers nous. Ce sera comme si nous cuisions sur un grill. Nous finirons racornis avant même que les flammes nous touchent. Il y a une autre solution, insista la jeune femme. Et elle exposa une nouvelle fois ce que Sharon lui avait révélé sur le sous-sol de l'île. Des cavernes ? Répéta Chico hébété. Sous nos pieds, et personne ne le savait ? Si, les Indiens, corrigea Ami, et les enfants qui les ont découvertes. Mais il faut s'y rendre sans tarder. Le passage est étroit, pas question de s'y glisser à plusieurs. Tu devras leur expliquer qu'ils doivent descendre un par un. Chico hésitait. Voyant qu'il ne parvenait pas à se décider, Sharon tira Ami par la main. « Viens, cria-t-elle, il faut y aller. Laisse-les se débrouiller. Qu'est-ce qu'on en a à fiche s'ils grillent tous ?» Ami se rapprocha du Brésilien. D'une voix sourde, elle dit « Je sais ce qui te gêne. Tu ne veux pas reconnaître que j'ai raison, une fois de plus. Ça te rend fou de devoir la vie à une femme. Cette solution, si c'était toi qui l'avais trouvée, tu la jugerais géniale. Je n'ai pas le temps d'attendre que tu te décides. Je dois mettre Sharon en sécurité. Je t'ai transmis l'information, à toi d'en disposer à ta guise. Si vous voulez vivre, prenez le chemin du volcan et retrouvez-nous là-haut. » Vite ! Insista la petite fille. L'entrée de la caverne est au beau milieu des buissons. S'ils prennent feu, nous ne pourrons plus y accéder. Cette fois, Ami céda. Au milieu d'une tourmente de flamèches, elles s'élancèrent sur le chemin caillouteux qui menait au campement de Devereaux. La chaleur était atroce. À présent qu'elles escaladaient les contreforts du volcan, il leur était plus facile de mesurer l'étendue de la catastrophe. L'île n'était plus qu'un brasier. Le feu grégeois, s'alimentant de l'humidité de la végétation, était en train de dévorer la jungle. À mi-pente, la jeune femme et l'enfant suffoquèrent au bord de la syncope. Il leur semblait que l'air ne contenait plus un seul atome d'oxygène. Soudain, des silhouettes surgirent du brouillard de fumée pour se porter à leur secours. Sharon reconnut José, Xantippe et Marenica. Criant des encouragements, les petits Brésiliens se saisirent des deux fugitives et les remorquèrent jusqu'à la cubicula de Devereaux. Celui-ci, encore plus hagard qu'à l'accoutumée, achevait d'empiler sa documentation dans un havresac. Faut y aller, décida José. Le feu progresse. Il va bientôt atteindre l'entrée des cavernes souterraines. Faut qu'on soit descendu avant, sinon on est tous fichus. Le petit a raison, balbutia Devereaux. La chaleur va devenir telle que nous cuirons sur pied. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé à Pompéi. Savez-vous que... Les gosses ne lui laissèrent pas le temps de continuer. L'agrippant par ses basques, ils le poussèrent dehors. Alors que le petit groupe entamait sa descente vers l'orifice du souterrain, il se heurta à la colonne de fuyards commandée par Chico Palatino. « Tu t'es enfin décidé ?» siffla Ami. « Bon sang, il ne fallait pas les prévenir, » protesta José. « Ils sont trop nombreux. Ils vont mettre une heure à se glisser dans le trou. » Maugréant, furieux d'avoir été trahi et de voir les adultes envahir son domaine, il s'engagea dans le dédale des broussailles à regret. La peur avait plaqué sur le visage des hommes un masque stupide. Il bougeait à la façon des somnambules, s'irritant de devoir se conformer aux ordres d'une bande de gamins. On arriva enfin au bord de l'étroite crevasse. José expliqua comment s'y glisser. Les bûcherons protestèrent que le passage était trop étroit, tout juste bon pour des mioches, et qu'il fallait l'agrandir à coups de pioche. Le garçonnet haussa les épaules et fit descendre ses sœurs. Xantippe suivit, puis Sharon. « On va tous tenir là-dedans ?» demanda Chico, incrédule. Ça m'a l'air d'un repère de gosse pour jouer aux pirates, rien de plus. » Sharon affirme que ça débouche sur un réseau de cavernes gigantesques, répéta Amy. Elle préférait passer sous silence la suite de l'histoire, notamment la partie où il était question des lépreux. Irritée par les atermoiements des bûcherons, elle lança « Faites comme vous voulez, moi je descends. Ne réfléchissez pas trop longtemps tout de même. Je vous signale que le feu se rapproche. » Retenant son souffle, elle se faufila dans la crevasse. Quelques minutes plus tard, elle débouchait dans la première caverne. Elle fut surprise par la fraîcheur qui y régnait. « Bienvenue au royaume des ténèbres !» chuchota Sharon en lui prenant la main. Fin du tome 2. Le tome 3 n'est actuellement pas disponible, ni en version papier, ni en version audio.